On sort tous un peu seul. On se vend tous miss, on vend tous un peu de seul. Je pèse par buzz, je buzz par buzz. Dans les deux sens, pesance finit par peser. Des miettes, un puzzle de ceux déçus dont les rampes se sont fait baiser. Voués à l'errance, à l'air pensée pesante. Beaucoup trop pour supporter ta présence. T'as vu Eran, on est tous vulnérables. Sors des rangs, vu les rats qui circulent. C'est le circuit, l'amour qui recule. Une larme, rien de plus pour des funérailles sec. La pitié tue, l'état a pu t'étude. Pendant que tu tapines, t'abîmes, t'es-tu là-haut. C'est fait des capitaines, bah rien n'est plus longtemps décapité. Ça vient des cavités, un sac à vider. La mort comme appui-tête de haine habitée. Les causes promènent, déterminent les causes premières. Je vois que les causes promettent un avenir clos trop merdique. Croyant que fausses promesses, Chirac. Du costromerdique, contrôle jusqu'au cosmétique. Un meeting pauvre con, quand tu nous parles d'un meeting pot. Dis ça à ceux qu'on fait, 10 piges pour une couleur de peau. Poseur de grosse bacard, leur petite pensée pour le placard. Et ses songes implacables, un cactus, un calcable. Un cactus, écho illégal, check les en pro. Abi Ahmed, déchire up, Siassine, c'est enfoiré de sa couille. Les en pro, c'est pour Jeff, Laurent, le coup Jeff, c'est qu'on se bouge, check man. Néant trop, vu que France nique la prod. C'est néant, c'est néant, et on met en pro. C'est rap réel, enfoiré, enfile ça, rap réel. On fait tout, un mot, et go, check, check. Toujours cette sale vision après avoir bu. J'ai peu d'acquis, une conscience de barbu sortie du maquis. Putain, le climat qui règne, et les sirènes me donnent des migraines. Plus de France qu'il maquille. A qui m'apprendre, on ne parle pas aux bâtards sans qu'il y ait outrage. Je vois qu'ils mettent en haine à l'ouvrage. J'enquille la poisse, le regard banquise. Quand je vois ce qui se mijote, rien que ça sirote. Et je suis frigide, sauf quand ma bite est rigide. Ça les figit, toujours un chien, même si j'ai lâché Brigitte. J'ai tant à faire avant qu'on m'abrège. J'ai fait ma brèche, putain c'est physique. Même si ma cave c'est la caverne d'Ali. On sait c'est quoi la zermie. Moi en cabane, le zinc ou dans sa caserne. Comme le veut la coutume, on prend des rousses. La vermine se la coule, ici c'est le coma. Ça se déroule plutôt mal, on se bousille pour des broutilles. C'est comme à Brooklyn, sauf qu'on est beaucoup moins, on dira ce bâtard. Si t'aboutis, prends mon oseille comme Axel à Djibouti. L'hexagone agonise, restez groupés, tant pis pour ceux qui roupillent. Néant en pro. Y'en faut flac, Koun, Sirim, Hux, Ziad, Moha, Montrap. Néant pro, toute ma je vie. Je revendique le droit de parler librement. Mais si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité, pas de celui qui est. Nicolas Sarkozy est parti en guerre contre les rappeurs. Un homme qui peut froidement ne pas dire la vérité. N'est pas digne d'assumer les plus hautes fonctions. J'ai dans la bouche un goût amer, tout le monde se couche, c'est la merde. Fuck, bouche sans amère et que des faux semblants. Affrontement sanglant, on veut le pactole. Mais combien d'Irakiens au sol pour un puits de pétrole. Moi j'encule ton protocole, t'es grave. Trop d'amertume, j'craque. Le temps se dégrade et comme les tâches, t'es grave. Mon code pas, fichon j'tard avec un code pas. Parce que les pas va trop les pas, fichon j'tard avec un code bâtard. Ma rue, un putain de cauchemar. Dans nos réserves, trop de haine, les Hassan et nous sème. On laisse parler le seum quand les RG renseignent. Sur nos visages, trop de cernes. Quand les j'tards nous cernent. Sur ma vie, des shérifs, on se croit en plein western. Tout le monde sait que le commissaire. De un bouc émissaire. Arrestation massive, encore un keuf bien viscère. Trop agressif, cabale après mon cuss. Dans les gènes, t'as agressif. J'suis venu crever l'abcès. Ici les kleps, vesqui. Ici les kleps, vesqui. Avant de clapser, avant de clapser.